C'est une femme à robe de tzigane dont les étranges mains tressent nos lendemains. Le temps est une femme dont les mains métissées jetteront dans les flammes les vies qu'elles ont tissées. Danse, danse, ma bohémienne, je glisse ma main dans la tienne. Danse, danse, ma bohémienne, je danse avec toi les mains pleines. Danse, danse, ma bohémienne, je glisse ma main dans la tienne. Danse, danse, ma bohémienne, je danse avec toi les mains pleines. Le temps est la fileuse des minutes heureuses dont les doigts effilés laisseront tout filer. Il a de grands fuseaux qui dévide la laine des moments les plus beaux, mais aussi des ciseaux. Danse, danse, ma bohémienne, je glisse ma main dans la tienne. Danse, danse, ma bohémienne, je danse avec toi les mains pleines. Danse, danse, ma bohémienne, je glisse ma main dans la tienne. Danse, danse, ma bohémienne, je danse avec toi les mains pleines. Le temps est la danseuse au pas de métronome qui, comme la trotteuse, voudrait nous mettre au pas. Mais toi, tu ne veux pas danser sur ce pas-là, et tu chantes sans gêne la chanson de Carmen. Danse, danse, ma bohémienne, je glisse ma vie dans la tienne. Danse, danse, ma bohémienne, ta loi sera la mienne. Danse, danse, ma bohémienne, je glisse ma vie dans la tienne. Danse, danse, ma bohémienne, ta loi sera la mienne.